toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd, je te confirme, ça porte très bien son titre. Alors, je critique les foules, je te regarde Crowd, je prends des notes dans un calepin et... J'ai eu le commentaire cette semaine que j'intimidais un peu à cause de ça. Ah, intimider serait un mot un peu fort, mais je gênais des fois les groupes à prendre des notes. Il faut pas que tu aies peur, musicien, parce que tu le sais, je t'aime. Fac, en général, à moins que ça soit vraiment une foule atroce où tu les envoies promener et que c'était gratuit, ben, il y a des fortes chances que j'ai du bonheur et de la joie à te partager sur les ondes de CISM. Et c'est le cas encore une fois. Et encore une fois, ce sera coup de cœur francophone puisque c'était du 3 au 13 novembre, ça en fait des dates, ça en fait des bennes. Et oui, ça fait 30 ans, alors ça fait beaucoup, beaucoup de choses à dire en même temps. Et justement, je suis allée voir La Conversion des Sauvages, Moussette, George Well, Bolduc tout croche, Gab Paquet, Bleu Jeans Bleu. Fait que ouais, c'était un très beau coup de cœur francophone. Et quand je dis bon, effectivement, des belles découvertes. Même si je connaissais les artistes, les voir en spectacle a été une découverte en soi, particulièrement pour Gab Paquet. Là, j'ai hâte de vous en jaser. Mais autrement, il y a bien des anecdotes tout à fait intéressantes à vous raconter. Même quand la foule est calme. Sur ce, ben on va écouter des affaires qui sont vraiment moins calmes. Parce que Benighted, chaque groupe français qui font du brutal death metal, a sorti une chanson il y a peut-être 2 jours pour leur prochain album Necrobreed. Et l'album sort en Amérique le 24 février l'année prochaine. Alors, on a du temps, on a du temps. Mais d'ici ce temps-là, ils ont sorti une des premières sur 2 chansons en français qui va se retrouver sur leur album. C'est Versipellis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que moi, j'étais bien heureuse de savoir qu'elle allait avoir un nouvel album. We'll be right back. Benighted sur les ondes de la marge. Vous écoutez Critique de Crowd. Et non, pour cette semaine, ce sera le seul moment métal, puisqu'on est beaucoup plus tranquille que ça dans les foules de l'ESCO et du Divan Orange, puisque c'est pas mal là que je me suis promenée durant un coup de cœur francophone qui est terminé depuis le 13 novembre. Mais aïe, aïe, aïe, avec plein de plaisir partout. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis retournée à l'ESCO. Oui, oui, je pense que j'ai pris ma carte d'abonnement pour les derniers temps. Mais c'était pour une très, très bonne cause, puisque c'était le tout premier baptême de la conversion des sauvages. Je dis baptême, et non, pas pour les membres du groupe, puisque c'est des anciens membres des Marmottes aplaties, Dirty Tricks, mais premier en tant que conversion des sauvages. Et justement, je crois que c'est aussi leur projet antérieur qui a fait en sorte que je me suis beaucoup intéressée au groupe. J'ai dit, ah, mon Dieu, quel mélange! Et c'est sûr que ça va donner un bon résultat, et c'est un album que je vous suggère, qui est tout en mélange chansons françaises, punk futuriste, psych et texture latino-africaine. C'est pas juste mes mots à moi, ce seront aussi ceux que le groupe se proclame et qu'on trouve dans le merveilleux dépliant de coups de cœur francophone. Sur ce, ben oui, je crois que déjà en soi, c'est pas un band qui va varger dans le tas, fait que je m'attendais quand même à quelque chose de rempli de quiétude, ce qui a aussi fait en sorte que je me suis assis. Quoi? S'asseoir à l'ESCO? Ouais, pas si tu t'assois comme sur la banquette ou t'es loin de la scène. Ça peut être un peu compliqué des fois de bien voir si les gens sont debout ou au bord. Ce qui est quand même une pas pire place. C'est fort sympathique. Moi, j'aime ça, le bord. Surtout le bord qui est en face de la scène. Là, je trouve que c'est un endroit idéal. Mais non. Je sais pas depuis combien de temps il y a une espèce de grand banc là, devant le piano. Piano que j'ai jamais vu personne se servir à l'ESCO. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà vu comme quelqu'un jouer avec et que c'était aussi dans le cadre d'une performance... Ben, appelez à CISM, je serais vraiment curieuse parce que pas ben, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Reste que depuis ce temps-là, ils ont mis un banc de bois. Je sais pas si c'est un banc d'église. Je ne fréquente peu ces lieux-là. Fait que, bref, ça fait un peu vieille école. Ben oui, rang, hein, vieux banc bois. Et justement, c'est peut-être en m'assisant dessus que j'avais cette fausse impression, justement, à pas connaître l'origine de ce meuble qui me paraissait, pas usagé, mais quand même avoir du vécu, de me sentir comme une élève de primaire assise durant la photo de classe avec le professeur, puis une affiche qui est marquée comme « Nathalie, troisième année à l'école Saint-Pie-X ». Ça, c'est vraiment mon école primaire en passant. Je salue tous les gens qui viennent de là-bas. Et oui, bref, je me sentais d'une très grande... sagesse. Non, plutôt sage que sagesse, là. La différence entre les deux mots est quand même grande. Mais oui, je me sentais sage. Je me sentais comme si j'allais passer le spectacle, mes mains sur mes genoux, parce que j'étais assis sur un banc de bois. Mais, par rapport à la crowd, bah, un peu distante comme le veut beaucoup de spectacles où on n'est pas nécessairement des fans finis accrochés à la scène ou tout simplement à deux pouces de la face du groupe, ce qui est quand même, ouais, quand même assez facile à l'ESCO étant donné la scène qui est basse. Je trouvais que, ouais, c'était correct. Pas de grand mouvement de foule non plus, dans le sens où il y a eu un petit hochement de tête, petit mouvement de main sur la hanche pour marquer le rythme. Des petits mouvements, petits, c'était délicat. Ça marquait un intérêt, mais sinon, en tant que tel, je trouvais que c'était une foule qui ressemblait au groupe. Oui, probablement aussi, son entourage faisait partie de la crowd, donc tu vois, ce qui se ressemble, ça ressemble. Mais reste que... Ça, c'est mon moment mathématique un peu pourri. C'est que je trouvais qu'il y avait quand même plus de barbu que d'habitude à l'ESCO. Mais tu sais, une belle barbe, là, comme un barbu de barbe, là, comme professionnel de poêle, de face. Et quand même, il y en avait un dans le groupe. Fait que pour un quatuor, je me disais, mais il me semble qu'il y a une certaine proportion mathématique exacte avec la foule. Je trouvais qu'il y avait proportionnellement autant de barbu que sur scène. Fait que ça, groupe qui ressemble à sa foule et sa foule qui lui ressemble, je trouve ça assez, oui, parfait, question style, âge et attitude, étant donné, oui, la musicalité, je crois que ça correspondait aussi à ce qu'on pouvait retrouver dans la foule. Je crois que c'est mon moment préféré, et c'est pas très critique de Crowd, c'est plutôt Jolene Ruet dans sa tête. C'est que, étant donné qu'ils ont beaucoup de variété dans les instruments, mais là, ils ont décidé qu'un des musiciens passait du clavier à la basse, et bref, ça changeait de poste, il y a eu une rotation, écoute. Et là, je me suis dit, c'est comme la chaise musicale. Et là, je fais, pas comme la chaise musicale durant un groupe de musique. C'est pas comme la plus grande vraie chaise musicale que tu ne pourrais jamais avoir. Enfin, je faisais comme des jeux de mots dans ma tête à ce moment-là et j'ai vécu un bonheur profond, mais complètement solitaire. Fait que oui, je crois que ça permet justement ça, d'être assis sage sur son banc en bois, puis profiter du moment. Fait que ça sera pas mal ça, ma conversion des sauvages. Vous m'avez fait vivre un moment dans ma tête que je n'aurais... Je pense pas que je me serais imaginé avec d'autres groupes. Et on en parle. C'était aussi ma fête, fait que c'est pour ça qu'on va passer la chanson Nadir, c'est la fête. Et c'était aussi la fête à Pascal Jean. On lui souhaite encore bonne fête! Et tu fais ça tellement. Thank you. Lucette sur les ondes de CISM. Insouciance est aussi le nom de cette chanson et le nom de leur plus récent album. Et ils jouaient aussi avec la conversion des sauvages durant coup de cœur francophone Alesco. Et c'est une crowd tout à fait paisible, encore une fois, qui assiste à ce beau moment. Moi, j'ai trouvé que la crowd était amicale, mais je me sens biaisé parce que, critique de crowd, tu sais, ça reste quand même juste un individu comme mon corps à moi avec ma face, puis moi qui traîne ma sacoche. Puis, justement, je l'avais laissé sur le fameux banc de bois, là, et je m'étais fait prendre ma place, mais ça crée des amitiés et des blagounettes de filles qui parlent de sacoche, qui surveillent leur sacoche, qui disent « Je vais pas voler ta sacoche! » Fait que ça... Je vous le raconte, puis je me trouve un peu ridicule, mais ça a quand même modifié ma perspective de foule. Ça considère juste deux personnes dans toute la crowd, mais comme de fait, j'avais toujours comme un petit regard, moi qui prends des notes, la fille, clin d'œil, petite blague. Ben oui, ça rajoutait un aspect bien sympathique, ben oui, un aspect plus humain. Parce qu'en tant que tel, c'est calme, ça écoute... Le chanteur joue assis sur un tabouret. Et là, pendant la chanson de Moussette, je me disais, mais c'est tellement relatif être assis déjà, oui, dans la foule, mais sur scène, ça fait pas nécessairement en sorte qu'il va avoir une attitude plus tranquille dans la crowd, parce que je me souviens, durant les Francophilies, j'étais allée voir le groupe punk français Parabellum, et le chanteur, jouait, oui, assis sur un tabouret, mais, tu sais, les punks, mon Dieu, il y en avait, oui, ça finit en bataille, cette fois-là, ça a aucun sens. Sacré show, oui. Fait que, tu vois, ça veut vraiment rien dire, le fait qu'on peut être très posé sur scène et que ça peut créer des effets inverses dans la foule. Mais, dans ce cas-ci, oui, effectivement, ça porte à propos, ça fit. Même qu'il y a eu Promesse de danse de Carl-Éric Hudon, qui est maintenant dans le groupe. Tu l'étais-tu avant, Carl-Éric? Appelle à CISM, faut qu'on s'urgence de ta carrière. Mais bref, Promesse que Carl-Éric va danser, ça s'est jamais passé. Peut-être ça va se passer un jour. Mais bref, la seule danse, je crois, que j'ai vue, elle était à l'entrée. Une amie de la fille qui était... À l'entrée, c'est bien fait la vie, mais celle qui était à la table pour les billets, bref, son ami dansait, s'amusait, et oui, il y avait, encore une fois, vous voyez, l'amitié toujours une différence dans nos comportements en spectacle. Bon, cette fois-ci, pour moi, c'était une amitié éphémère et des petites blagounettes, mais en ce cas-là, oui, la musicalité devait avoir un certain effet, puisqu'elle dansait et elle dansait pas comme quand il y avait pas de musique, mais reste que c'était plus une interaction avec la personne avec qui elle était. Je le mentionne parce que pour ma prochaine critique, celle de Bolduc tout croche. Oui, l'entrée a une incidence sur le comportement de la foule, ou en tout cas sur le mien. C'est à suivre. Parce qu'il faut quand même aussi le dire, pour ceux qui sont peut-être jamais allés à l'ESCO, il y a un mur de briques, tu sais, qui sépare la scène de l'entrée de... Bon, pas tant de la crowd, mais bref, il y a une certaine séparation fait qu'il peut y avoir certains mouvements de foule qui sont un peu cachés. Et oui, je crois que ça a une certaine forme de se permettre. Ouais, on dirait un sauce de crowd. Alors voilà, c'était ma courte critique pour Moussette, parce que on était debout, j'étais debout et j'écoutais, j'étais heureuse. Bon, maman, 12 chansons quand même, un long set. Mais en tant que rockeur, on s'est dit, Pascal Jean et moi, soulignons ce jour de fête encore plus fort et intensément en allant à la roquette! Et oui, fameuse roquette qui est juste à côté. Il y a une... Je sais pas l'autre affaire qui est à côté, mais bref. On n'est pas à un immeuble près, là. Ils sont juste à côté. Et qui dit roquette, dit danse. Et danse avec beaucoup de rock'n'roll. Ça fait... je pense que ça fait deux fois en peu de temps que j'y vais le vendredi. Et je peux vous le confirmer, chers auditeurs, que c'est assez crowdé. Merci! Le vendredi, c'est une très bonne soirée pour aller danser. Et pour tous ceux qui craignent le club, tu sais, danser, oui, on dirait qu'on... Moi aussi, j'ai des clichés de Rihanna quand on dit aller danser dans un lieu public où on ne va que danser. Mais non, ce n'est pas tant le cas, à vrai dire. C'est sûr que musicalement, ce ne le sera pas. Et pas non plus dans la crowd et dans ses comportements. Ah, j'ai bien envie de t'en jaser, mais je crois que je vais faire ça après les publicités. Alors, je vous dis à tout de suite. Du 16 au 19 novembre, M pour Montréal présente sa 11e édition. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et de découverte. plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Martha Wainwright, Rowanland, Busty and the Bass, Rhyme, Quarry, Migration Sound System, Tommy Cruise, Croy, Brandon Canning, Michael Roux, Yann Perrault, Hot Chip DJ Set, Idal, Darcy, Caspian, Ben I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal du 16 au 19 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Join you in the depths. Please remind me how to climb my Allô, ici Groenland, vous écoutez CISM La Marge. Salut les sportifs! L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta! Avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichets de bière à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bière gratuite. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirées. De hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de sa mère, des nids de poules et de tous nos. Bonjour, ici Émile Bilodeau. Malheureusement, je ne suis pas le fils d'Emmanuel Bilodeau, mais je vous invite quand même à écouter CISM. Restez là parce que c'est la radio la plus cool du monde. Tout plein de remords dans le verre. Laissez-vous envoûter et voyez Bacha Bevat en spectacle dans un univers aux frontières du folk et de la pop. Bacha Bevat en concert à la salle André Mathieu le 2 décembre prochain. Réservez dès maintenant au salleandrematieu.com ou au 450-667-2040. Salut, c'est Saratoga. Vous écoutez CISM 89.3. La marge. Salut, salut, c'est Louis-Philippe Gingras. Juste te dire, je viens de sortir un nouveau record qui s'appelle Troisième rangée. Un album rempli de trompettes et d'amour. Tu vends de l'amour pas cher. Un cœur pour le prix d'une artère. Mr. Freeze, Frozen Peas, puis des bracelets, des signes de peace. Troisième rangée de Louis-Philippe Gingras, c'est un album ben chill. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Le jeudi 17 novembre, la session live reçoit Jesse McCormack. Préparez-vous à une heure de musique en direct, d'entrevues, de choix musicaux et de découvertes en compagnie des artistes les plus intéressants du moment. Soyez au rendez-vous sur les ondes de CISM 89.3 FM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bienvenue, chers auditeurs de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene jusqu'à 4 heures. Et si tu viens d'allumer ta radio et de te joindre à nous, ben bienvenue, bienvenue. Avant les publicités, j'étais en train de te dire que j'allais te jaser de la roquette. Et comme de fait, Critique de Crowd est allé danser. Pour une fois, c'était une pause de foule en train de regarder un groupe de musique. Cette fois-ci, on ne fait que les entendre et danser par-dessus. Alors, c'était un vendredi soir, vendredi dernier, pour être bien plus précise. Et à ne pas être à ma première expérimentation du lieu et de l'ambiance de ce vendredi soir et dès vendredi soir, je peux confirmer quand même qu'il y a une très bonne moyenne avec le lieu. Je m'explique. Alors, c'est un endroit qui est quand même assez étroit et la piste de danse l'est encore plus. Alors, je pense que c'est comme une largeur de comme 3 personnes. Mais c'est très long comme piste de danse. Oui, je trouve que ça apporte quelque chose de particulier, que ça soit pas carré, que t'as pas l'impression comme de nager à travers le monde tellement il y a des danseurs pis t'es comme « Ah! » Tu te perds à l'intérieur. Mais c'est très crowdé. Hey boy, pas à peu près. Tu vois, là, j'hésite, parce que je pourrais dire qu'on est toutes collées, on est toutes serrées. Non, j'irais plus avec on est toutes pognées, parce que dans collées et serrées, il pourrait avoir une certaine forme de sensualité qu'il peut avoir avec la danse. Mais dans ce cas-là, non, il n'y a pas vraiment de cruise désirable et non désirable que l'on retrouve effectivement dans les pistes de danse, dans les clubs, et que c'est pas, ouais, c'est pas toujours ce qui rend ta soirée heureuse. Tandis que là, ben, effectivement, la musique doit et fait la différence, puisque c'est du rock et dans toutes ses palettes, j'allais dire dans tout son éventail, mais dans tout le sens de rock, c'est dans sa variété et pas à peu près. Reste que qui dit danse, dit piste de danse, proximité humaine, oui, il peut avoir des ressemblances à n'importe quelle piste, dans le sens où il y a de la cruise, où il y a de la jasette entre gens qui dansent, et je pense que le commentaire est plutôt banal, mais il me fait rire. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu bouges bien, mais pas tu danses bien. » Tu sais, on est sur une piste de danse, on est supposé danser. Et là, tu bouges bien. Et sur le coup, je me disais « Mais ça, c'est pas le bon verbe. » Je veux dire, ça n'a pas de sens de dire « bouger ». Et, ben, une semaine plus tard, je dis « Non! » Non, ça a bien du sens, parce que j'étais complètement en train de sauter sur place comme si j'étais comme un show rock. Pour moi, il n'y avait pas de transfert entre, il n'y a pas un bend dans ma face. C'était pour moi intérieurement la même type d'action que j'aurais eu. Fait que j'étais en train de pousser les gens aussi sur la piste de danse. Fait qu'effectivement... Effectivement, le verbe bouger était mieux à propos que danser. Mais là, de dire que je bougeais bien, ça, c'est une question d'angle. Parce que voyez-vous, avec cette personne rencontrée, oui, c'était assez drôle parce qu'il participait beaucoup aussi. On est comme, ouais, on passe tout le monde, puis on s'amuse, puis c'est du punk rock, ouais! Puis on devient, comico rigolo danse. Sauf que le gardien de sécurité s'est mis à un peu moins triper quand il y a eu Motorhead puis Ace of Spades. Et oui, c'est devenu comme le chaos. Moi, mon cerveau, il s'est pas dit « Jolene, ce n'est pas Lenny qui est sur place, ce n'est qu'une cassette! » Non. J'ai viré sur le top, puis là, j'ai comme décidé de pousser tout le monde, puis faire le plus gros mosh pit possible à la roquette. Chose que, visiblement, le gardien de sécurité tripait pas trop sur le concept. Il est comme « Non, c'est! » C'est! Alors, sur ça, oui, c'est la grande différence entre n'importe où il y a un spectacle et la roquette. Ouais, les mosh pits sont moins pris au sérieux parce qu'il n'y a pas de bend dans ta face. Mais merci pour mettre du Motorhead parce que c'est si agréable. C'est si, ça fait tellement du bien. Je semais le chaos. Hey, semais le chaos et le récolté vraiment rapidement, par exemple. Fait que voilà, c'était mon expérience. Puis j'avais vraiment envie de vous la partager comme entracte de coup de cœur francophone parce que, ouais, j'ai vécu un moment. Et pour ça, écoute, version francophone, si on le veut, Arsenic 33 et leur version L'Ors de Pique. L'As de pique, et oui, une reprise d'Arsenic 33, tout à fait à leur couleur et à leur saveur. Cette chanson se retrouve sur leur album Vous êtes pas heureux, et vous écoutez toujours Critique de Crowd, et oui, chanson hommage pour la roquette, et pas hommage au gars qui voulait vraiment pas que je fasse un body surf, il prenait vraiment mal, il était comme, non, on fait pas ça sur une piste de danse. Alors voilà, Critique de Crowd aura à réapprendre ses codes de danse, quel que soit le lieu. Et, bon, tu as une très belle suggestion où aller un vendredi soir, Roquette. Ou sinon, j'ai tout plein d'autres suggestions. Écoute, parce que est commencé le festival M pour Montréal et justement, DJ set We Are Wolf avec Wake Island, One et Mort House. Ça se passe au Quai des Brumes dans le cadre de M pour Minuit. Sinon, il y a aussi Big Brave au Ritz PDB. Ce vendredi, il y a Bernardino, Feminelli avec Cindy Lee, New Fry et Elena Deland à la Casa del Popolo. Samedi, Vidéoville, Basic Phantom, Boma Bango, Sulfuzz, Girl Harm à la Vitrola. Il y a aussi No Bunny de Cowboy Heat au Matahi Loft. Je pense qu'Heat, ils sont en train de faire des nouvelles chansons, alors peut-être, qui sait, on verra bien ça au Matahi Loft. Dimanche, Dub White Sundays, c'est une soirée reggae et ça se passe au Blue Dog. Sinon, Metropolis, Tudor Cinema Club. Mardi, ah, Metalleux, peut-être seras-tu à In Flames. On sait jamais, ça se passe aussi au Metropolis. Mercredi. Le mercredi, mes excuses, la semaine dernière, je vous ai dit n'importe quoi. La semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait, of course, l'amalgame Ragers et Posters qui jouaient au Club Soda. Mauvaise réponse. C'est cette semaine que ça se passe et non la semaine dernière. Fac, j'ai oublié de vous dire que hier, il y avait Sublime with Rum au Metropolis puis D.O.C.'s avec les Marinelli, Hidalgo, Ola Tulipe. Hey, sérieux, c'était tellement des shows qui devaient être incroyables et j'ai oublié de le mentionner. Mon cœur saignait tantôt, j'étais comme, ah, je me suis trompée de semaine! Fait que sur ça, faut vraiment que je lise comme il faut un calendrier, comme pas sauter des lignes. Et, ouais, savoir lire. Et peut-être, justement, tu vas pouvoir faire de la belle lecture au Salon du Livre. D'où la raison, je ne critiquerai pas M pour Montréal, puisque je serai au Salon du Livre si tu veux savoir quand est-ce que Critique de Crowd, ou plutôt Jolene Ruet, surtout Jolene Ruet, sera au Salon du Livre. Je te poste les heures sur le Facebook de Critique de Crowd et ce sera bien agréable de te faire des coucou, puis qu'on se voit et puis qu'on soit heureux. Sur ce, on va continuer en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM, Double Date with Death avec la chanson Magicien, ce sera suivi. Ah, ils sortent bientôt un album. Ils sortent même mercredi au Divan Orange, Des avantages numériques et la chanson palmarès et Désastre. We'll be right back. désastre des Delaware Chuck sur leur nouvel album Désavantage numérique, 26e position du palmarès francophone et en 16e, Magicien avec Double Dead with Debt. Et pour toutes les autres chansons du palmarès, c'est ISM893.ca. Et voilà! Et sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Oui, qui a son onglet sur le site de CISM, qui a un Facebook. Écoute, la technologie est là, pas à peu près ou quasiment. Et sinon, ben, vous écoutez la radio et vous l'écoutez en ce moment, Critique de Crowd, qui est allé voir Gab Paquet et Bleu Jeans Bleu dans le cadre de Coup de cœur francophone au Divan Orange jeudi dernier. Et, tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux cahier de la programmation de coup de cœur francophone qui est rose, qui était pas rose à peu près. Il l'était vraiment beaucoup et fluo. Ça, j'aime beaucoup ça parce que ça permettait de pas le perdre. Et à l'avoir grandement feuilleté pour faire mes choix parce qu'il y a de la variété puis surtout il y avait des affaires surtout à même heure, fait que ça faisait beaucoup de dilemmes. Ben, Gab Paquette. Oui, Paquette, c'est Paquette, là. Il n'y a pas deux T en passant. Mais il reste que c'est sa petite description qui m'a convaincue. Et ça va très simplement par la phrase « Si tu ne connais pas l'univers de Gab Paquette, cours vite voir ce show. » Ah! C'est tout ce que... C'est tout ce que ça a fallu pour me convaincre. Ouais, ça me prend pas grand-chose. Non, non, mais pour de vrai, il est dans le palmarès de CISM. Beaucoup de chansons passent ici à CISM. Il était passé en entrevue à l'émission d'Étienne Galarno. Fait qu'il y a eu beaucoup de facteurs dans la même semaine. Il m'a dit, voyons, il se passe quelque chose autour de Gab. Qui est-il? Je ne me suis peu attardé, outre les écoutes sur les ondes FM. Qu'est-il? Que se passe-t-il? Des chansons où il parle de couple Longueuil? D'accord. Mais c'était, ouais, en quelque sorte avec une certaine forme de surprise que j'allais le voir. Parce que non, oui, non, oui, non. Oui, non, je m'attends que ce soit drôle, qu'il y ait de l'humour. Il joue aussi avec Blue Jeans Bleu, sans tomber, tu sais, dans la musique purement humoristique. Oui, il y a de l'humour, tu sais, on peut pas en faire abstraction. Même dans sa petite description, il le dit aussi qu'on peut friser le kitsch à condition que ce soit fait avec humour. Alors, même s'il se prend au sérieux sur scène, ben, inévitablement, tu peux pas non plus être complètement dupe en tant que spectateur, là. Je pense que t'es au courant, si tout comme moi t'as lu, ou si tout simplement, simplement que c'est impossible. Ça, ça a l'air un peu drôle comme remarque, mais déjà sur scène, ils sont incroyables. Ils sont 7, déjà. C'est incroyable d'être aussi nombreux sur la scène. Et, du divan. Et aussi, leur accoutrement. Je me permets le terme accoutrement parce que elle est exagérée, les paillettes, le léopard. Ah, déjà, c'est mon motif préféré. Fait que déjà, ils m'ont conquis, là, puis il y en avait 3 qui portaient du léopard. Hey boy, mon cœur était ravi. Et du velours, sa coupe Longueuil, l'attitude. Oui, c'est sûr que tu te vois qu'il y a une certaine forme d'exagération. Et même la petite couette mauve de Gab Paquet, tu sais, complètement artificielle, mauve et synthétique, que tu te dis, c'est clair que c'est de l'humour. Tu portes pas une fausse mèche de cheveux comme ça, vraiment mal placée. Sans que ça soit de l'humour. On dirait que là, j'ai des doutes parce que tout d'un coup, quelqu'un le fait pour de vrai. Je voudrais pas avoir l'air de le juger. Je m'excuse, sinon. Je m'excuse. Mais autrement, oui, on dirait que c'est toujours de petits détails, mais quand même grotesques qui te font comme, oui, oui, on le sait que c'est de l'humour parce que autrement, ils se prennent au sérieux du début à la fin. Et quand je dis au sérieux, c'est vraiment de jouer le rôle de crooner, d'être sexy puis d'en mettre. Alors, c'est très, très drôle. Et je me demandais dans la foule s'il y allait avoir justement cette différence-là entre un spectacle non humoristique avec la musique et un spectacle comme celui-ci. Ouais, mes souvenirs comme des trois accords. Tu sais, tout le monde avait compris le genre. Oui, il y avait des gens qui arrivaient costumés ou qui... Bon, il y a plus tant de gens qui vont comme rire littéralement de la surprise, comme « Ah, ah, ah! » Tu sais, parce que tu t'as pas rendu compte de l'état humoristique du tout. Je pourrais pas juste dire la musique, mais vraiment l'état des lieux comme la scéno autant que la musique et l'attitude. Et ce sera pas tant le cas. Tu sais, oui, il y a eu quelques rires au début, mais pas que ça s'est effacé, mais vraiment, les gens étaient en connaissance de cause, du moins, j'ai l'impression, mais surtout, ont embarqué. Oh, oui, oui. Alors, vraiment, je pense que c'est un tout. Ça a été une très, très, très belle expérience. Au début, tu sais, oui, le kitten, il en met, c'est drôle. Je dis il en met, puis c'est très modéré, là. C'est juste qu'on le sent, là, que ça fait crooner cheap. Mais il y en a qui sont déjà dedans du début jusqu'à la fin. Je pense aux gars qui donnaient des coups de pied. Pas qui donnaient des coups de pied sur le monde, là, mais des coups de pied au plancher. De façon, ouais, danse sociale, mais un peu militaire, là. Il drillait son rythme, là. C'était tap, tap, tap, tap, tap. Puis il arrêtait jamais. Il était vraiment aussi avec sa clique d'amis qui dansait. Beaucoup par clique aussi. On n'a pas un grand sentiment de foule et d'un énorme partage entre les gens, que ça se passe un peu plus comme entre amis, la blague, justement, tu sais, pour avoir des moves. On fait des moves drôles entre nous autres, parce que c'est drôle, parce que tu sais, la blague, puis peut-être que ça ramène aussi à un inside. Bref, il y a cet esprit-là plus dans la foule, plus ou moins en rangée, justement, la crowd qui danse, ça fait des petits déplacements, puis même des plus grands au fur et à mesure de la performance. Et la danse aussi va s'accentuer. Je pense que c'est moi-même en prenant part au spectacle, parce que au début, j'étais vraiment de côté, je regardais le monde danser, qui s'amusait, puis c'est fou, la folie qui s'est mise en scène, en place. On dirait que c'est comme si elle s'était étendue un peu partout. Puis là, tu peux pas embarquer, là. C'est trop drôle. Toi aussi, t'as envie de faire des mouvements ridicules. Toi aussi, t'as envie de faire de la danse tropico-blague. Ouais, ce sera mon expression de la journée, tropico-blague. Parce que son nouvel album, Santa Barbara, ben écoute, Santa Barbara, on entend parler pas à peu près. Il y a l'intro comme sur l'album et par la suite, ben il parle beaucoup de Barbara, comment il l'aime, puis tout ce qui se passe avec elle. Les introductions des chansons se font toutes avec Santa Barbara. Fait que oui, ça fait petite danse exotique. Ben oui, on fait notre hawaïenne avec nos mains, puis on fait des mouvements ridicules, puis c'est drôle. beaucoup de participation dans les chansons aussi. Chanter la consommation, chanter faire l'amour avec moi, mais avec une attitude de rocker trop théâtrale, le poing en l'air. Je trouve ça drôle que ça soit quand même faire l'amour avec moi avec le poing en l'air. Mais ça me semble un drôle de mix, mais en même temps, c'était parfait pour l'occasion. Oui, c'était parfait. Et aussi, une finale grandiose, ouais. Tu sais, le guitariste qui monte sur une table, sur le coin du divan, gros solo, et Gab, qui était déjà allé une première fois dans la foule, y retourne. C'est vraiment... Ah oui, c'est d'une intensité à la toute fin. Il y avait une petite prestation avec avec Navet Confit, et avec Navet, il danse avec lui, et sur scène, même à la dernière chanson, il saute par-dessus. Et oui, on sent, oui, évidemment, l'amitié, mais encore plus la folie d'en faire encore plus. Et là où on croyait que c'était terminé en tant que public, c'est plutôt encore un rappel avec une chanson dont le titre m'échappe, mais c'était d'inspiration celtique. Bref, on rentre complètement dans un autre mood. Et la toute dernière chanson, Bébé, Papa, Amour, et on est tous assis par terre pour la comptine et la proximité aussi du chanteur sur le bord de la scène, petite berceuse. Mais finalement, on recommence à danser. Oui, je pense que même là où on pensait que ça avait été très énergique, on était allé dans d'autres atmosphères. J'ai trouvé ça super intéressant, cette variété-là, tant dans la musique, tant que ce qu'on a vécu en tant que crowd. Fait que ouais, une expérience, j'ai envie de dire. Parce que là où on pourrait voir juste comme, ah oui, ça va être comico-kitsch, mais non, il me semble que c'est passé bien des affaires. Oui, c'était de la danse, mais ouais, des émotions. J'ai vécu plein d'émotions avec Gabin Paquet. Fait que c'était parfait. Sinon, à deux reprises, il va nous dire restez pour Blue Jeans Bleu, qui était la deuxième partie. Et ouais, les doubles plateaux, ça peut être dangereux, parce que je trouvais vraiment là, comme, il y avait de l'énergie dans l'air. Fait que je me suis dit comment ça va ressortir pour un deuxième groupe. J'aurais conclu ma soirée de même, ça aurait été parfait. Fait que c'est à suivre. Je vais vous reparler de Blue Jeans Bleu, mais avant, Gab Paquet, on en parle. Bon, on va passer Santa Barbara, chérie! Je me rappelle ma promesse par la serrure du cachot de la forteresse. J'ai envoyé des oiseaux pour toi, Barbara, chérie. Je t'observe à ta fenêtre dès la tombée du jour. Je veux te voir naître dans le jardin de ma cour. J'aimerais que tout soit parfait, je voudrais ne plus avoir peur. C'est toujours moi qui paie, c'est toujours toi qui pleure. Ben baila, amigo, querida mía. Como todo el mundo, querida babala, te quiero. Dans la chambre de commerce, de l'azur à ta peau, t'es glacé, l'éclat des pièces viennent t'apaiser tes mots. Santa Barbara chérie. Même si ton cœur est tiède, j'aurai les noms qu'il faut, j'aurai la bourse au frais et la friandise au chaud. Tu voulais avoir la paix, mais c'est la guerre pour ton cœur. C'est toujours moi qui paie, c'est toujours toi qui pleure. C'était une nuit de rêve, une pluie de bijoux. J'ai tout détruit pour tes lèvres, mais tu as tourné la joue. T'as préféré faire la fête sur les étalons d'Espagne. Et tu as perdu la tête comme mon sabre de champagne. Ven a bailar conmigo, querida mía. Como todo el mundo, querida Bárbara, te quiero. Gab Paquet sur les ondes de CISM avec la chanson Santa Barbara, chérie. Et avant Blue Jeans Bleu, ben, inévitablement, il y a un entracte pour déplacer les instruments et pour reprendre son souffle parce que, il n'y avait pas juste, il n'y avait pas juste le chanteur qui était en sueur. Il n'avait que c'était bien donné. Et c'est là que. Tu vois, j'ai pas de mots, chers auditeurs. Au moment où je me dis, est-ce que je dois prendre ça en considération pour critique de crowd? Parce que j'ai appris que dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui sont plus ou moins associés au Pantoum. Le Pantoum qui est un complexe de création musicale à Québec. Disons la crowd qui entoure le Pantoum et qui, nécessairement entoure aussi Gab Paquet. Et justement, c'était dans les gens qui étaient les plus énergiques, qui donnaient beaucoup d'amour dans la crowd. En tant que critique de crowd, bon, à mes connaissances de cause et parce que je jase pas tout le monde dans la foule, ben je pourrais juste me dire quelle belle soirée, comme c'est merveilleux, quelle expérience, c'est merveilleux, parfait. Mais en tant que Jolaine Ruet puis parle pas de jase, j'ai comme appris que il y avait une crowd qui l'avait suivi d'une ville à une autre. Bon, je sais pas s'ils le font tout le temps, mais je me suis dit déjà je trouve ça quand même beau que les gens puissent suivre un artiste comme ça, mais en même temps, je me suis dit à quel point ça biaise ma perspective, parce que s'il va pas avec sa gang, ça va changer la chose, et ça peut être une pratique commune, parce que ça m'a rappelé le fameux documentaire American Hardcore, The History of American Punk Rock, des années 80 à 86, puis bon, là, ça fait un bout que je l'ai écouté, là, mais résumé de chez résumé, parce que moi, un des bouts qui m'avait marqué dans le documentaire, c'est comment les fans d'un groupe pouvaient les suivre d'une ville à une autre, puis surtout, bon, là, ce sera pas comparé, mais que les fans, tu sais, comme ceux qui n'avaient pas catché, là, ils leur pétaient à gueule! Fait qu'ils pétaient à gueule aux autres fans ou, tu sais, comme aux fans des autres bands, ben là, Discord, le hardcore. Fait que là, c'est sûr qu'on n'a pas affaire à de la violence et à de la bataille, mais ça m'a rappelé un peu cette ambiance-là, cette attitude-là d'être aussi fervent ou de suivre les artistes d'une ville à une autre. Alors, je pourrais pas dire à quel point ça change ma critique de crowd, mais c'est un élément, oui, qui existe. Les gens qui suivent les groupes d'une ville à l'autre. Et cette fois-ci, en dansant et en s'amusant, fait que c'est quand même bien, bien sympathique. Mais pour le hardcore, ben, j'ai décidé de vous mettre fuck tout pis varger. Passez le fun! Yeah. AMP Bad Brains, repris par le feu groupe Vargé sur leur album Revargé. Et vous avez aussi entendu le plus récent album, et ben, à vrai dire, l'autre c'est un EP. Fait que leur premier album, Fuck Tout, avec la chanson Je veux te détruire. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui était au spectacle de Gab Paquet et Blue Jeans Bleu au Divan Orange. Et Blue Jeans Bleu, je crois que c'est, ils ont commencé vers peut-être minuit. Je pourrais plus dire, mais on dirait que j'étais fatiguée déjà en partant. Je pense que ça biaise un peu ma perspective du spectacle. Parce qu'en tant que tel, il y avait de la crowd pour ce cher groupe Country Folk Soul Alternatif. Là, j'hésite parce que il y avait quelque chose que je savais pas sur Blue Jeans Bleu. Tu savais-tu ça, toi, cher auditeur de CISM? Peut-être que t'es comme moi et t'écoutes quasiment juste CISM, fait que tu te sens vraiment comme... pas en connaissance de ce que font les radios commerciales. Il paraît que la chanson « Je te gâte all dress » de Blue Jeans Bleu a passé sur les ondes commerciales. Fait que je sais pas si c'est pour ça qu'il passait en deuxième au lieu d'en première partie, double plateau. Il y a pas vraiment de première ni de deuxième partie, étant donné la durée. Reste que... je pourrais pas dire, c'est peut-être l'aspect country que je trouve que je me suis dit, ah, ça va être plus mollo dans la crowd. Peut-être qu'eux autres, en tant qu'organisateurs, ils se disent, ah, ils ont eu une grosse attraction. Peut-être qu'il va y avoir plus de monde. Bon. Question quantité crowd, je trouve que c'était relativement égal. Pas nécessairement le même monde. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet spectacle avec de l'humour et de la musique. Et le fait que les gens parfois se costument ou vont avoir une attitude différente en spectacle. Et là, c'est le moment, je sais pas si c'était une joke ou non, mais il y en avait quelques-uns qui avaient des coat jokes avec un point d'interrogation, parce que peut-être c'est leur vrai coat. Mais les coats, Blue Jeans Bleu, et tout en jeans avec Blue Jeans Bleu écrit dessus. Et c'est quand même intense, il y avait les autographes dessus. Puis là, il y en avait un... je sais pas si c'est des bars comme... Tu sais, quand tu veux compter par 5 en faisant des bars, là, comme... ben comme le cliché de quand tu t'es en prison puis tu comptes tes jours. Mais là, il avait comme en rangée de 10 puis de 20, là. Fait, je sais pas trop si c'était comme des imitations de cicatrices ou juste qu'il sait pas compter ses jours de prison. Je sais pas, mais reste que dans tous les cas, je me disais, est-ce que c'est des fans finis qui sont vraiment, qui se capotent leur vie parce que, effectivement, c'est les plus intenses de la foule. Ou est-ce un habit expressément fait pour Blue Jeans Bleu? Ben, effectivement, parce que Blue Jeans Bleu le marqué, mais il pourrait juste les aimer puis tout le temps le porter, ou il porte juste en spectacle. On le saura jamais, mais oui, c'est ceux qui vont le plus danser, ceux qui sont le plus en avant, sont fervents, sont dedans. Et quand je dis sont dedans, je trouve ça, c'est vraiment un signe. Tu sais, quand tu veux headbanger, mais t'as pas les cheveux lousses. T'es cheveux longs, mais t'as pas les cheveux lousses. Fait que là, le monde commence à s'exciter de la tête. Ouh! Là, il y en a un, il va accompagner ses amis, mais il était pas décoiffé encore. Fait que là, tu le vois gosser avec son élastique et comme en vrai. Puis là, finalement, il peut attaquer d'un grand mouvement, là, comme il headbang puis il est bien heureux. J'ai trouvé ça beau. Tu vois, il y avait un effort supplémentaire, comment il voulait, puis il était pas capable tout de suite. Et là, là. Sinon, question énergie est un peu truquée, entre guillemets, puisqu'il y a aussi eu une captation pour un vidéoclip. Fait que quand ils ont dit « énervez-vous », ben effectivement, on dirait qu'il fallait s'énerver un peu plus. Hein, on se l'est fait dire. Mais autrement, non, il y en avait qui étaient tout à fait sincères dans leur énervement. Là, ça, c'est assez certain. Et voilà. Je suis pas restée jusqu'à la fin, mais autrement, je crois que les fans étaient bien comblés avec leur gorgée. Il y a beaucoup de inside avec le band partagé avec la crowd, mais qu'on comprend aussi assez rapidement là, en tant que nouveaux adeptes de Blue Jeans Bleu. Et voilà, on va continuer tout de suite en musique Blue Jeans Bleu, effectivement, avec leur chanson Défi Fruit Free. Sont fameux pour leur cuisine exotique et leur buffet glamour. Du général Tao, nous y a Singapour. Mais c'est lorsque l'on m'offre le dessert que je retombe en amour. Ils ont une façon bien à eux de faire frire tous mes fruits favoris dans un beignet qui reluit. Trop peu de gourmands ont accès à cette décadence. Et c'est pourquoi restaurateur lance. Défi, fruit, free. te recommande de toujours faire attention à ce que l'on mange. Je ne suis pas très culturé d'un côté culinaire, mais je me doute que la friture n'est pas un des groupes alimentaires. Par contre, beaucoup de gens veulent en perdre autour de la pince, mais dans certains sports, être pesant est une chance. À tous les lutteurs qui veulent faire osciller la balance, à la place d'un défi minceur, je leur lance un défi fou fri, fou fri fri. Un défi fou fri, fou fri fri. Un défi fou fri, fou fri fri, fou fri Franchement, wow! Ça, c'est le nom de l'album, leur plus récent. Blue Jeans Bleu, Défi Fruits Frits. Et vous écoutez Critique de Crowd, qui, oui, fait constat de ce qui se passe durant le spectacle, mais aussi après. Et je vous le partage parce que vraiment, ça m'a fait tout un drôle d'effet. Tu sais, au divan, juste avant de sortir, parce que oui, je quittais avant la fin du spectacle, il y a la grande vitrine et il y a quelqu'un qui m'avait drôlement marqué. La personne, elle avait l'air... Oh, permettez-moi de le dire bien directement. Elle avait l'air gelé bien dur. Sérieux! Je me disais, voyons donc, il est bien gelé, le gars. Il est en train de parler tout seul à la fenêtre. Mais tu sais, comme en plus, en train de graffiner comme le cadrage là en bois. Là, j'étais comme, voyons donc, il est bien gelé. Puis je me disais, mais ça, c'est pas dans les habitudes du divan. Là, tu sais, le monde se tienne. Ça se passe. Là, c'est pas un endroit louche. Puis... plus j'avançais vers la sortie, plus je le trouvais bizarre. J'étais, mais voyons donc, le gars va pas bien. Il se parle tout seul, puis il est obsédé par le vide et la vitre. Et ce quiproquo va en devenir un, justement, un quiproquo. Quand je sors dehors et que je réalise qu'il jase avec le gars qui est en train de fumer une cigarette à l'extérieur, et je me dis, oh mon Dieu! Et c'est le genre de moment, je sais pas, Crowd, comment toi t'agis d'habitude dans la vie, mais moi, c'est le genre de moment, faut absolument que je le partage à la personne comme était là dans ma face. Je ne te connais pas, et bon, peut-être qu'on va se revoir, le divan orange attire des mélomanes, mais il fallait absolument que je dise comme, oh mon Dieu, vous parliez! Le gars, il n'a aucune réaction, il sait pas de quoi je parle. J'étais comme, oh mon Dieu, je pensais que ton ami, là, il avait consommé parce qu'il était en train de parler tout seul à une fenêtre, mais t'étais là! Fait que, ouais, c'est... Vous m'avez perturbé. Dimanche, tu m'as perturbé. J'ai... Finalement, tout le monde, ouais, tout le monde était pas mal plus agent que je le pensais. Fait, je voulais absolument vous le partager, vous, chers auditeurs de CISM. Ça a été mon moment de doute et de quiproquo étrange. Sur ce, la drogue en moi, Rock Forest. Don't count it back. La drogue en moi, Rock Forest. Sur son album Fois 1000. Vous écoutez Critique de Crowd. Et oui, c'est encore coup de cœur francophone, mais toute bonne chose a une fin. Il s'est terminé dimanche dernier. Et je trouve vraiment que ça fitait avec, ouais, l'ambiance dominicale, quelque chose de... Quelque chose un peu comme posé, assis, mais comme... Oui, j'ai vu d'autres spectacles assis, puis c'était un vendredi, là, mais quelque chose un peu comme linge mou, plus mollo. Et ouais, je trouve que ça fitait tout à fait Bolduc tout croche et George Well à l'Esco un dimanche paisible, tranquille. Et George Well, je ne sais pas de toi, cher auditeur de CISM, mais moi, c'était une découverte. Et en même temps, en voyant ce qu'il a fait par le passé, j'étais comme, mais voyons donc, ouais, on le connaît finalement, parce que c'est le chanteur du groupe Chaudruel et aussi tromboniste pour la formation Tintamarre. Fait que ça, c'est des groupes qu'on aime. En fait, ah, ben là, le monde est petit. Membre fondateur de Coup de Griffe, le festival Faussal, le festival Organigramme. Je suis comme, tabarouette, il en a fait des affaires. Comment ça? À vrai dire, c'est pas son vrai nom, George Well. Fait que déjà démasqué. Fait que c'est sûr que c'est aussi facile aussi de ne pas te retrouver et te reconnaître. Mais, ça, c'est toutes les belles choses que j'ai découvertes par la suite. Parce que sur le coup, bah, c'est encore une fois un sans mots que j'arrive sur lieu. Et c'était surtout sans mots, fallait que j'arrive parce que c'était d'un silence incroyable que je n'avais jamais entendu à l'Esco, qui est quand même, tu sais, c'est rock, c'est garage comme place, fait que oui, ça amène quand même plus de décibels, mais cette fois-ci, déjà que George Well, il joue peu fort, la crowd, et elle était silencieuse, mais d'un silence parfait. Et plus que ça, étant donné l'entrée de l'Esco, ben oui, j'ai parlé tout à l'heure du mur qui sépare de l'artiste, fait que moi, je le vois pas du tout. Je sais pas du tout encore à qui j'ai affaire exactement, mais j'ai pleine vue sur la crowd et elle est très, très loin. Attentive, beaucoup de gens debout, toutes les places sur la banquette sont prises, au bar aussi, mais loin, c'est comme... Ah! Il était loin, j'avais l'impression de vivre l'écho d'une foule tellement il était comme loin de moi. Et ça, ouais, ça m'a fait comme une espèce de choc. Le choc de l'ambiance inhabituelle du lieu, la distance avec la foule, mais qui n'était pas en lien avec l'artiste parce que c'était tellement d'une écoute parfaite que nécessairement, oui, ils sont attentifs, puis ils vivaient un moment. Puis je me disais, waouh, j'ai tellement été gênée par le silence. Je voulais me prendre une place, je voulais m'asseoir. Après ça, j'ai reculé. Je pense que l'artiste, il n'a jamais vu comme toutes mes moves, comme moi qui fait comme, ah non, je recule. J'ai reculé carrément et je suis restée comme à côté de lui sans vraiment être à côté, juste parce que je n'avais plus où me placer. Je ne l'ai dérangé personne. Je ne l'ai pas brisé non plus le moment. Il n'y avait personne qui marchait. Je vous dis, ça ne bougeait pas pantoute. Fait que j'ai été... Ouais, je savais plus où me placer. Fait que j'étais comme, j'étais dans l'André, j'étais dans le portique en attendant la fin, non envie d'être parmi le spectacle et la foule, mais plutôt parce que je voulais pas m'imposer là. Ouais, c'est drôle, hein, parce qu'il y avait tellement de distance entre les gens et l'artiste que je peux pas me planter en plein milieu, ça aurait été bizarre, j'aurais été très tout seul. Fait que ouais, c'est un drôle de sentiment, vraiment, je m'y attendais pas, mais ce qui m'a montré étrangement comme une certaine force d'attraction. Fait que là-dessus, ça va donner le goût d'écouter le EP au complet. Mais pour cette fois-ci, on va écouter une chanson qu'il a jouée durant Bol de Gruau, l'émission Folk Country Blues de CISM. Cette chanson se retrouve le volume 3! Effectivement, volume 3 de Bol de Gruau. C'est la chanson « Les tomates de la honte ». Y a de la saveur qui décolle au palais des écorchés, la tête en cœur, crise l'identité. Fallait pas jouer les guignols si vous vouliez vraiment la liberté. Creuse la tombe, les martes tombent en trombe. Il ne peut faire toujours beau au pays des nigauds. L'innocence est belle si on sacre les mots. Mais y a la fierté qui tombe quand volent les tomates de la honte, quand volent les tomates de la honte. Dépasse les bornes, et file les allures du mur des idées et des ismes. Attends, pied ferme, quand la raison et l'égoïsme font débat d'œillères et d'oreillettes. Généralement, c'est l'innocence d'être con qui gagne à défaut d'être bon, mais qui frappera le plus fort pour assiéger son confort. Quand la nonchalance frise l'insolence, ça met la puritanerie dans l'ambivalence. Il y a comme une envie de violence chez les mal-aimés. Chantons en chœur pour les écorcher. Le respect, ce doit être égal à la liberté. Car l'habit ne fait pas le curé, mais qui gagnera la partie de dés au nom de l'impunité. Y a de la poussière qui se colle au palais des écorchés, la tête en cœur, crise l'identité. Fallait pas jouer les guignols si vous vouliez vraiment la liberté. Creuse la tombe, les martes tombent en trombe. Il ne peut faire toujours beau au pays des nigauds. L'innocence est belle si on sacre les mots. Mais y a la fierté qui tombe quand volent les tomates de la honte. Quand volent les tomates de la honte. Les tomates de la honte, George Well. Et vous écoutez Critique de Crowd, qui voit le temps filer pour la critique de Bolduc Tout Croche. Et je dis, c'est pas la première fois que je manque de temps pour vous parler de Bolduc Tout Croche. Je réalise en ce moment que je l'ai vu à la Casa del Popolo. J'ai mis l'anecdote de marquer sur papier que je vous ai toujours pas conté sur les ondes de la marge. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais pour vous dire bien rapidement, c'était bien, oui, dans la même ambiance que George Well, quand même plus proche et quand même moins silencieux. Et je sais pas si justement le fait qu'il soit Chaudruel, Tête à mort, mais aux deux dernières chansons de Simon Bolduc, il y a eu des gypsy punk qui sont venus danser en avant. Et ouais, ça a été bien sympathique. Et surtout pour moi, ça a été très appréciable parce que personnellement, quand c'est tranquille, j'ose pas justement m'imposer, biaiser ma perspective, la crowd. Mais là, elles se sont bien permises et elles se sont bien amusées. C'était, ben oui, c'était beau, c'était le fun à voir. Puis comme je dis, le fait que c'était plus vers la fin et qu'il aurait pu danser durant d'autres chansons, je trouve que c'était vraiment une volonté, ouais, de s'amuser, effectivement. Et je suis bien heureuse aussi que Simon Bolduc revisite ses propres chansons, Retomber dans le sac, c'est une de mes chansons préférées. Et il a refait version country pour c'est nouveau set pour volume 2 qui porte plus à ce son-là. Et autrement, justement, à Retomber dans le sac, ben, j'étais toute excitée, même si c'était moins punk que la version que je connais. Ben, c'est là que l'entrée de l'ESCO a eu un impact sur ma façon d'être. J'étais encore à l'entrée et au lieu d'aller en avant pour danser, ben, je suis tout simplement restée proche du portique. Ben oui, pour danser seul, m'exciter, faire retomber dans le sac. Et ouais, tandis que la lourdeur des paroles pourrait aussi porter à quand même écouter, mais la musique amène quand même le pas de danse, moi je trouve. Mais j'ai trouvé ça drôle, l'impact comme d'être semi dans la crowd, juste le fait qu'il y ait le mur, qu'il y ait la distance avec le groupe, de l'entendre bien, en même temps de pas être tant impliqué non plus avec la foule. Mais je l'ai fait parce qu'étant donné, oui, ouais, le fait qu'il n'y avait pas de mouvement de foule en tant que tel, c'est drôle. Je voulais pas en imposer un, alors j'ai dansé pour moi. Voilà. Alors finalement, ce sera ça la critique de crowd pour Simon Bolduc, Bolduc Tout Croche, tout ça en même temps. Et je vais vous partager sur le Facebook de Critique de Crowd la chanson Retombée dans le sac, parce qu'elle vaut vraiment la peine. Mais moi, je dois laisser les ondes. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye, chers auditeurs. Club Soda présente la grosse soirée Netlift. une soirée où l'émergence et la découverte sont à l'honneur avec The Posters, l'amalgame avec Off Course et Ragers. Le spectacle est gratuit si vous téléchargez la nouvelle application gratuite de covoiturage Netlift. C'est simple et c'est gratuit. The Posters, un spectacle à ne pas manquer mercredi le 23 novembre. Pour plus d'informations, visitez leclubsoda.ca. Salut, c'est Saratoga. Vous écoutez CISM 89.3. La marge. Tu as une idée géniale d'émission? Présente-nous-la avant le 25 novembre et peut-être que ton émission sera sélectionnée pour notre saison d'hiver. Que ce soit sérieux ou humoristique, de la musique ou de l'information, on veut t'entendre. Pour plus de détails, visite notre site internet au cism893.ca. La série Jazz à l'année vous offre des spectacles pour tous les goûts. Voyez sur scène le magicien des tables tournantes, le DJ français Wax Taylor, le folk électrique, les rythmes africains et la soul délicate de Valérie Jones. Et plongez dans l'univers rock, blues et soul du duo Hey Moon Shaker. Billets et infos au montrealjazzfest.com. Une présentation de TD en association avec la Presse Plus et CISM. Du 16 au 19 novembre, M pour Montréal présente sa 11e édition. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Martha Rainwright, Lowenland, Busty and the Bass, Brian, Poirier Migration Sound System, Tommy Cruz, Croy, Brandon Canning, Michael Roux, Yann Perrault, Hot Chip DJ Set, Idal, Darcy, Caspian, Ben I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal du 16 au 19 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Vidéoville lance son 5e album et le célèbre avec un méga show présenté par Voix Off, réunissant également BC Fantôme, Boma Bango, Sulfuzz et Girl Arm. C'est un rendez-vous pour une expérience musicale saisissante à la Vitrola le 19 novembre dès 20h. C'est juste 10$, manquez pas ça! Vous songez à poursuivre vos études au cycle supérieur? Venez découvrir ce que l'UQAM a à vous offrir. Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre, participez à la semaine des cycles supérieurs. 5 jours de conférences, de rencontres et de visites vous attendent. Assistez à des présentations sur les programmes d'études et découvrez les outils qui vous aideront à planifier et à réussir vos études. La semaine des cycles supérieurs à l'UQAM, c'est l'occasion d'élargir vos horizons et de préparer votre avenir. Pour en savoir plus, visitez le www.étudier.ucam.ca. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. RIDM. Un festival. Plus de 120 films audacieux. Une rétrospective sur le documentaire animé. Des échanges avec les cinéastes d'ici. Et d'ailleurs. Des œuvres de réalité virtuelle. Et des shows gratuits tous les soirs. Venez découvrir le meilleur du cinéma du réel, où chaque histoire est une fenêtre sur le monde. On vous attend au RIDM du 10 au 20 novembre. Rendez-vous sur ridm.ca. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous écoutez CISM 89,3 FM.